Il y a eu, jusqu'à une école d'ingénieurs, dans un pays où personne ne savait, avant lui, les éléments de la géométrie. Il était bon ingénieur lui-même, mais surtout il excellait dans tous les arts de la marine. Bon capitaine de vaisseau, habile pilote, bon matelot, adroit charpentier, et d'autant plus estimable dans ses arts qu'il était né avec une crainte extrême de l'eau. Il ne pouvait, dans sa jeunesse, passer sur un pont sans frémir. Il faisait fermer alors les volets de bois de son carrosse. Le courage et le génie domptèrent en lui cette faiblesse machinale. Il fit construire un beau port auprès d'Azov, à l'embouchure du Tanaïs, l'actuel Don. Il voulait y entretenir des galères, et dans la suite, croyant que ses vaisseaux longs, plats et légers devaient réussir dans la mer Baltique, il en a fait construire plus de 300 dans sa ville favorite de Pétersbourg. Il a montré à ses sujets l'art de les bâtir avec du simple sapin et celui de les conduire. Il avait appris jusqu'à la chirurgie. On l'a vu dans un besoin faire la ponction à un hydropique. Il réussissait dans les arts mécaniques et instruisait les artisans. Le tsar Pierre, en changeant les mœurs, les lois, la milice, la face de son pays, voulait aussi être grand par le commerce, qui fait à la fois la richesse d'un État et les avantages du monde entier. Il entreprit de rendre la Russie le centre du négoce de l'Asie et de l'Europe. Il voulait joindre, par des canaux dont il dressa le plan, la Douina, le Volga, le Tanaïs, et s'ouvrir des chemins nouveaux de la mer Baltique au pont Euxin et à la mer Caspienne, et de ces deux mers à l'océan septentrional. Le port d'Arcangel, fermé par les glaces 9 mois de l'année, et dont l'abord exigeait un circuit long et dangereux, ne lui paraissait pas assez commode. Il avait, dès l'an 1700, le dessein de bâtir sur la mer Baltique un port qui deviendrait le magasin du Nord et une ville qui serait la capitale de son empire. Il cherchait déjà un passage par les mers du Nord-Est à la Chine, et les manufactures de Paris et de Pékin devaient embellir sa nouvelle ville. Un chemin par terre de 754 verstes, le verste à peu près 1 kilomètre, pratiqué à travers des marais qu'il fallait combler, conduit de Moscou à sa nouvelle ville. Il a voyagé dans tous ses états, autant que ses guerres l'ont pu permettre, mais il a voyagé en législateur et en physicien, examinant partout la nature, cherchant à la corriger ou à la perfectionner, sondant lui-même les profondeurs des fleuves et des mers, ordonnant des écluses, visitant des chantiers, faisant fouiller des mines, éprouvant les métaux, faisant lever des cartes exactes et y travaillant de sa main. Il a bâti, dans un lieu sauvage, la ville impériale de Pétersbourg, qui contient aujourd'hui 60 000 maisons, où s'est formée de nos jours une cour brillante et où enfin on connaît les plaisirs délicats. Les sciences, qui ont été ailleurs, le fruit tardif de tant de siècles, sont venues par ses soins, dans ses états, toutes perfectionnées. Il a créé une académie, sur le modèle des sociétés fameuses de Paris et de Londres. Cette académie subsiste encore, et il se forme enfin des philosophes moscovites. Il a forcé la jeune noblesse de ses états à voyager, à s'instruire, à rapporter en Russie la civilisation étrangère. J'ai vu du jeune russe plein d'esprit et de connaissances. C'est ainsi qu'un seul homme a changé le plus grand empire du monde. Il est affreux qu'il ait manqué à ce réformateur des hommes la principale vertu, l'humanité. De la brutalité dans ses plaisirs, de la férocité dans ses mœurs, de la barbarie dans ses vengeances, se mêlait à tant de vertus. Il policiait ses peuples et il était sauvage. Il a, de ses propres mains, été l'exécuteur de ses sentences sur des criminels. Et, dans une débauche de table, il a fait voir son adresse à couper des têtes. Il y a dans l'Afrique des souverains qui versent le sang de leurs sujets de leurs mains, mais ces monarques passent pour des barbares. La mort d'un fils, qu'il fallait corriger ou déshériter, rendrait la mémoire de Pierre odieuse si le bien qu'il a fait à ses sujets ne faisait presque pardonner sa cruauté envers son propre sang.